y'a plus rien qui me choque. Les petits mondiaux, on remplacera la terre par de l'or sous nos chocs. Élevés les uns sur les autres, le bruit l'emporte sur la parole. Mes émotions qui brûlent, aucun mot qui sort devant la daronne. L'impression qu'on manque d'air sur la terre. Mais de façon mon frère, y'a plus rien qui me choque. Les petits mondiaux, on veut faire de l'oseille, on prendra tous les jobs. Ça joue plus au foot à la récré. J'serais même plus surpris de voir une lame dans leur short. Faut se méfier de tout le monde, les méchants sortent même quand y'a du beau temps. Lame de rasoir dans un toboggan. Les voisins qui mettent de l'huile sur le banc. J'aurai un parapluie, qu'est-ce qu'on va faire de ton parasol? Je peux cramer si ta paire est folle, je peux pas dire à quoi ressemblent des géraniums. C'est peut-être ça qui va pas, qui fabrique les rêves, ceux qui ont manqué de tout. Y'a de quoi devenir fou. Premier coup de crosse, ça sonne comme un baptême. J'ai vu ce qu'il a braque, j'ai vu ce qu'il a bravème. J'entends pas le calme, j'entends pas blablabla. Plus rien qui me choque, plus rien, non, non, non. J'écris bien ma vie, mais j'ai pas fait par qu'elle. Pas le talon d'Achille, mais j'ai le talon d'Athème. J'entends pas le calme, j'entends pas blablabla. Plus rien qui me choque, plus rien, non, non, non. Y'a plus rien qui me choque. Profite de chaque bouffée d'air et ta mif avant que la guerre éclate. Les petites salopes qui votent RN, je les vois comme ceux qui croient que la terre est plate. On m'a dit le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Jamais cru en ces conneries. La chute, ça fait bien plus peur que le choc. J'suis tombé de haut, tu m'appelais mon frère et tu parlais sur moi. On n'a jamais pris de cours de latin. Seul Dieu acceptera ton mea culpa. Mode de vie à revoir, petite coupure au fond d'une enveloppe. Les rêves qui partent en fumée comme une clope. 3-4 frères en fumette au fond d'une chope. On a passé notre jeunesse à grimacer devant le prix des sables dans les chocs. C'est pas le temps qui nous donne mauvaise mine. C'est pas les mythes qu'on fait des trous dans nos jogs. Pas de jeunesse dorée, pas de ballon de saga, pas de vacances à Cannes. Bientôt le soleil en attendant sa caille. Premier coup de crosse, ça sonne comme un baptême. J'ai vu ce qu'il a braque, j'ai vu ce qu'il a bravème. J'entends pas le calme, j'entends pas blablabla. Plus rien qui me choque, plus rien, non, non, non. J'écris bien ma vie, mais j'ai pas fait par qu'elle. Pas le talon d'Achille, mais j'ai le talon d'Athème. J'entends pas le calme, j'entends pas blablabla. Plus rien qui me choque, plus rien, non, non, non. Premier coup de crosse, ça sonne comme un baptême. J'ai vu ce qu'il a braque, j'ai vu ce qu'il a bravème. J'entends pas le calme, j'entends pas blablabla. Plus rien qui me choque, plus rien, non, non, non. J'écris bien ma vie, mais j'ai pas fait par qu'elle. Pas le talon d'Achille, mais j'ai le talon d'Athème. J'entends pas le calme, j'entends pas blablabla. Plus rien qui me choque, plus rien, non, non, non.